pas rester là, au fond de mon trou. Je vais sortir de ça et frapper un grand coup. Je l'ai tellement écrit que ça ne peut plus servir. Aujourd'hui je le crie et je suis prêt à tout dire. Il faut qu'on s'imagine un monde à Paris sans histoire. Il faut qu'on s'illumine de nos savoirs, de notre histoire. Oh, être le second souffle, celui qui vous inspire, celui qui vous essouffle. On va manquer d'air, vas-y respire. J'ai la tête qui tourne et le souffle coupé. J'attends que la roue tourne pour qu'enfin